Casey, tu penses-tu que t'es le meilleur rapper à Montréal maintenant que ton respect est fait partout aux States? Non, Queen, man. Je suis juste un kid qui est écœuré du système, un porte-parole pour la communauté, un soldier, un guerrier. Je dirais même un messager. Avec un message bien clair. La révolution s'en vient. Mais pour répondre à ta question, non, mais il y a des gars qui sont 100 fois meilleurs que moi. Sauf que les gars, ils n'ont pas encore de contrat de 10. Mais ça va s'emmener là, enfin. Il y en a des gars qui sont super bad. Ça n'a rien de commencer à les nommer. Il y en a trop, mais ils savent qui ils sont. Les gars, ils sont mean, là. Peace à tous les underground bad boys. Puis, je sais pas, man. Jamais vous me voyez, donnez-moi un tape, quelque chose pour la maison de 10. Jamais on peut faire quelque chose ensemble. Alright, check.